ma vie tous les jours dans cet enfer où mon effort enrichit celui qui me garde ici. Tous les fruits de mon travail, tous les fruits de ma misère iront d'abord à celui, celui qui m'a soumis. Les cris que je rends terre ne feront presque plus de bruit à la tombée de la nuit. Quand je perdrai mes chaînes, quand mes mains seront miennes, j'entendrai la sirène, ma tâche est inhumaine. Mon corps est fatigué, quand mes mains seront miennes, j'irai me reposer. Surutilisé, usé comme les dents qu'on sert. Tous les jours de ma vie, je poinçonne et je vieillis. Tout ce que je subis, il ne saurait pas s'en faire. Je sais tout le mépris de celui qui me garde ici. Mais quand je perdrai mes chaînes, quand mes mains seront miennes, j'entendrai la sirène, ma tâche est inhumaine. Mon corps est fatigué, quand mes mains seront miennes, j'irai me reposer. Jour où je m'enferme, où mon effort enrichit celui qui me garde ici. Tous mes cris qui désespèrent n'iront jamais jusqu'à lui à la tombée de la nuit. Quand je perdrai mes chaînes, quand mes mains seront miennes, j'entendrai la sirène. Ma tâche est inhumaine, mon corps est fatigué, quand mes mains seront miennes, j'irai vous retrouver.